Château Gontier Bazouge Magazine, printemps 2015. Dossier Bien vieillir à Château Gontier Bazouge. Adresse web magazine.chateaugontier.fr. Description de la photo : un homme âgé et un enfant observent des grains de blé dans un champ.